écoutez Radio Veillez et Priez, une radio web chrétienne qui diffuse les enseignements sur la fin du temps et le retour de Jésus-Christ. Il règne de toute éternité. Éternel est son nom. Nous prosternons devant sa majesté. Et là, Jésus est dit, tu vas tout pas, tu dois pas la paix. Et là, Jésus est dit, Après avoir passé au pain fin le féminisme, la définition et les causes et les buts pour lesquels cela ça s'est passé au courant des siècles, la femme dans la sainteté s'est évertuée à défigurer le féminisme sous toutes ses formes en prenant les deux cornes. Après avoir déshabillé en enlevant les mini-jupes puis les pantalons pour montrer effectivement que le féminisme était jadis l'affront à la souveraineté et à la loi de Dieu, la femme dans la sainteté ce soir se penchera encore sur d'autres sujets de femmes qui meubleront les sœurs ce soir et elles donneront certainement des témoignages. Que Dieu vous bénisse, installez-vous confortablement, revenons. Dans un monde en pleine mutation, dans un monde satanique, dans un monde de générations perverses et corrompues telles que dit les Saintes Écritures, le Saint-Esprit dans les Saintes Écritures prône la sainteté. Cette sainteté, jadis prônée par les saints apôtres et prophètes d'autrefois, est maintenant bafouée dans les assemblées et les hommes ne sachant plus où se mettre, ni dans quelle direction prendre, le Saint-Esprit du haut des cieux crie, le Seigneur Jésus-Christ revient et la sainteté doit être prêchée comme le message de repentance en vue de la rédemption pour tous ceux dont le Seigneur Jésus-Christ s'est acquis par son sang à la croix. La femme dans la sainteté a pour but justement de rassembler les sœurs ensemble dans la sainteté afin qu'elles vivent cette vie du Seigneur Jésus-Christ, le type parfait même de son Église. Son Église épouse qui est sainte, irréprochable et irrépréhensible. C'est la raison d'être de la femme dans la sainteté, cette édition qui vise à briser le féminisme dans les sœurs en crise, donner la direction du Seigneur dans leur vie afin qu'elles puissent être prêtes à représenter effectivement ce type de leur représentation physique qu'est l'épouse du Messie Sauveur. La femme donc par excellence donc est cette représentation dont prennent les Saintes Écritures dans le livre des Cantiques des Cantiques et dans le livre d'Éphésiens au chapitre 5. Le verset 27 à 28. La femme dans la sainteté ce soir se penchera sur un autre sujet délicat des femmes encore ce soir. Restez connectés, nous recommençons dans quelques instants. Thank you.

la relation avec les beaux-parents, aux fous et aux moulins, les jeunes filles et leur virginité, véritable défi dans un monde pervers et adultère, relation avec les collègues, avec les familles, ton style de vie, ton goût, tes fréquentations, ton habillement, la distraction et une marche chrétienne, une femme folle de Jésus, les jeunes filles ou les jeunes femmes qui sont engagées dans des relations amicales avec des jeunes garçons qui désirent les draguer, les rapports sexuels que je ne dois plus faire, les hommes te draguent alors que tu es habillé tel que tu es, que faire, etc. Femmes violées, femmes qui ayant avorté, comment et quoi faire, les dangers et les solutions. Voilà les sujets autour desquels meublerons ces échanges et puis nous aurons certainement des témoignages et vous allez témoigner des prières pour chacune de vous. Depuis votre foyer, votre travail, les maladies qui vous rongent, les sujets de votre cœur, en fonction de vos besoins. Allez, c'est parti. Êtes-vous prêts? A dit aux puissances des ténèbres, je suis prête à me débarrasser de vous jusqu'à votre atome. Au nom de Jésus, bonsoir et bienvenue. Un bonsoir particulier à la sœur Claire du Maroc. La sœur Claire, ça va? Quand son micro est fermé. Ça va, ma soeur? Ça va, frère. Ça va très bien. Comment vous allez du côté du Maroc? Ça va. Si vous suivez avec attention tous vos travaux et vous faites presque 12 heures de prières, de méditation. Que Dieu vraiment vous bénisse. Mm-hmm. J'espère que le Seigneur permettra que nous travaillions, ou bien peut-être que nous venions de votre côté, si le Seigneur le permet. La sœur Alice, bonsoir et bienvenue. Shalom, shalom à tous. La bébé, elle va bien? Oui, elle va bien par la grâce de Dieu. Mm-hmm. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse, bénisse ta famille. Mévé de Tchapchet, bonsoir et bienvenue depuis l'Italie. Voilà, elle ne peut pas parler parce que sa camarade est en train d'apprendre. Je crois qu'il va falloir que je parte doucement avant d'arriver chez Julie Gabo parce qu'il y en a une population de ce côté-là. La sœur Rosine Kandem, bonsoir. Bonsoir, frère Julien, bonsoir, bienvenue. Comment se fait-il que c'est comme si les femmes ont trop maigri comme ça? Ça va, ferme ton micro, ma soeur. La soeur Asetou Aïdara, bonsoir. La soeur Asetou à Abidjan, c'est autre chose là maintenant. La sœur Christine, bonsoir. Bonsoir mon bien-aimé frère. Bonsoir mes frères. Mm-hmm. Je crois que la connexion du côté d'Abidjan sera indigente ce soir afin que nous travaillions. La sœur, il y en a plein ici là. Qui encore? La sœur Lida Kofi, bonsoir. La sœur Cyril Gladys. Cyril Gladys, c'est qui ça, Cyril Gladys? Si la sœur Cyril Gladys m'écoute, qu'elle mette sa vidéo parce qu'elle voit. Elle a de voir d'autres sœurs là. La sœur Flo Karine du Canada, bonsoir. Sœur Ketia, bonsoir. La sœur Madeleine, bonsoir. La sœur Marie-France Sophie. La sœur Marie-France Sophie de la France au 97 Boulevard Davout, bonsoir. La sœur Reine, Belgique, bonsoir. La sœur. Bonsoir, Junior. Bonsoir, mes sœurs. Voilà. Ah, c'est tonifiant, ça. La sœur Flora de Bordeaux, bonsoir également. Je crois que ce serait bien de dire bonsoir comme ça pour tout le monde. Si la sœur Asetou Aïdara nous entend, nous l'entendons pas. La sœur. Oui. La sœur Albertine Abogomba, bonsoir. Encore à vous. Bonsoir et tenez-vous. Restez tranquille. Nous commençons maintenant. On peut y aller? Je sais que ceux de rue Bougainville disent que je n'ai pas encore parlé de ça parce que vous êtes nombreux. Bonsoir à toute la famille, toute la grande famille qui se réunit chez la sœur Julie Gabo. Bonsoir à la sœur Nafissa. Je vois la sœur Nafissa là-bas derrière. Je vois l'autre sœur. Je crois que vous avez découpé le jeune là. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Là maintenant, c'est la maternelle. Dites moi bonsoir avec les mains comme ça. Ouais. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors, ce soir, si vous le voudrez bien, on commence. On peut commencer. Y a-t-il des témoignages? Quelqu'un a-t-il des témoignages? J'espère que la connexion va nous permettre de travailler. Quelqu'un a-t-il des témoignages? J'ai un témoignage. Avec ta connexion est bonne. Et ma soeur? Ouais, c'est parce que vous m'écoutez. Oui, on t'écoute là, c'est bon. Oui, j'ai fait un songe. La semaine. Je me suis retrouvée dans une maison de 3 pièces. Il y avait 2 écrans. Allô, ma soeur, on ne t'entend pas là. La connexion n'est pas bonne du tout. Donc, ça a été coupé. J'avoue que je n'ai rien suivi de ce que tu as dit. Allô, notre soeur, tu nous entends? Oui, je vous entends. Oui, vas-y alors, donc, on ne t'entend pas. Je ne sais pas si c'est les mêmes choses pour les autres. Je vous entends. Mmh. Mmh. Vas-y alors. Oui, je sais que j'ai fait un jeu la semaine passée. Je me suis retrouvée dans une maison de 3 pièces. Et dans 2 pièces, il y avait 2. Et quand je me suis donc retrouvée dans cette maison, j'ai entendu me dire cette maison est la mienne et que c'est ici que je resterai désormais. Bon. Après, j'observe la maison, je regarde, je dis mais cette maison elle est trop grande pour moi. Comment je vais vivre dans cette maison seule? Alors, étant dedans, je pouvais voir les gens dehors, mais je ne pouvais plus sortir. Quand je forçais l'entrée, la terre s'ouvrait devant moi, complètement. J'ai forcé deux fois l'entrée, la sortie, la terre s'est ouverte. Bon, et pardonnant, comme je pouvais voir, deux personnes. Comme je pouvais voir des gens dehors, j'ai vu deux femmes qui passaient. J'ai remarqué une. Je les ai donc fait appel. Elles sont entrées. Je leur ai dit, voici une maison qu'on m'a donnée, mais je trouve ça très grande. J'aimerais qu'on partage la maison ensemble, si vous voulez. Elles ont dit, non, elles ne peuvent pas rester avec moi. C'est ta maison. Pas rester ici et elles sont ressorties. Je voulais les suivre, mais la terre s'ouvrait devant moi. Alors, je suis donc sortie de mon corps et j'ai constaté que mon corps physique était couché en ce moment. Je suis allée interroger mon corps, mais comment se fait-il que tu ne vois sortir? Tu es en train de les toucher, mais je voyais dormir. Je touchais mes yeux pour demander que, mais est-ce que tu ne vois pas? C'est comme ça que je suis encore rentrée dans mon corps. Je me lève, je force la sortie. La terre s'ouvrait encore de moi. Bon. Dans cette pièce, je me sentais en réalité chez moi. j'étais à l'aise. Je n'avais pas de problème. C'est ça que je me suis relevée. Et quand tu interrogeais ton corps répondait quoi? Mon corps est endormi. Tu vois que la tête de chair, si dont nous prenons soin justement, lorsque c'est inerte, lorsque l'âme sort là-bas, c'est vraiment inerte et c'est amorphe, n'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce que tu en dis par rapport à cela, par rapport à ton songe? Quand je suis sortie de ce songe, en fait, je me posais trop de questions. En réalité, je ne comprenais pas la chose. Je ne comprenais rien. Je ne comprenais absolument rien. Alors, j'ai partagé ça avec mes frères du Maroc dans la soirée. Et le lendemain, donc, il y a ma soeur Isène qui m'a interpellée. Me disant qu'elle avait un message pour moi. Solution au mensonge que j'ai eu hier. Je pourtais encore que c'est elle qui ne. Allô, ma soeur, on t'entend plus. Allô? Oui, on ne t'entendait plus, ma soeur. Et j'étais en train de dire que quand je fais le soir concernant les frères du Maroc, nous avons partagé cela avec les frères. Et le lendemain, donc, notre soeur Rizienne m'a interpellée par rapport à ce son, par rapport à notre partage, mon témoignage que j'avais donné en me disant qu'il avait un message. Une réponse au mensonge, l'explication. Et j'étais donc en train de dire que, comme notre sœur Lucienne est avec nous, elle doit nous dire ce message. Donc, elle n'a pas dit que là, c'est notre message, elle a dit c'est ton message à toi. Donc, quoi qu'elle va se rapprocher au pire de toi, le temps pour moi de dire bonsoir à. Maman a dit que. Non. Elle a dit que je dors à côté de toi. Que tu viens dormir à côté de moi. T'es couché là. Le temps pour moi de dire bonsoir à la sœur Sandra Kazimi. À la sœur Sandra Kazimi qui vient de se connecter. À la sœur Gigi Aïssa du côté de Maroc également. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à vous tous qui êtes là connectés. Permettez-moi de poser encore la question à quelqu'un d'autre. Oui, bonsoir. Je ne sais pas pourquoi à chaque fois, je ne sais pas de quel côté la CJ se trouve. Je ne sais pas pourquoi sa connexion n'est jamais bonne. La CJ, c'est comment? C'est où? Tu es dans les rochers? Tu es dans la grotte d'Hercule à Tanger? Non. Voilà, oui, sa connexion. Je suis désolée pour ma connexion. Ta connexion n'est pas bonne du tout, ma soeur. Alors, la soeur, quelqu'un a-t-il encore quelque chose? Ou bien on travaille ce soir? Vous m'entendez bien, n'est-ce pas? Quelqu'un était en train de parler. J'ai un deuxième témoignage. Ta connexion n'est pas stable, ma soeur. Permets que ta connexion soit stable. Du côté de la soeur Julie, il y a des enfants qui bavardent là-bas, donc on n'ouvre pas votre micro parce que c'est désagréable les enfants. La soeur Claire également, je ne sais pas où ton micro est positionné, il faut que ce soit un peu à proximité de ta bouche. D'accord, ma soeur, essaye de parler, voir. Oui, vous m'écoutez. Oui, c'est bon là maintenant, oui. Je disais que j'avais un deuxième témoignage. Vas-y, là, c'est vas-y. Oui, hier de cela, c'était avant-hier. Et j'étais endormie en soirée, dans la journée. Quoi. Quand je me suis levée de mon sommeil, j'entendais en moi miséricorde. Miséricorde. À un moment donné, j'ai seulement commencé à prier. J'ai prié, puisque je suis rentrée sur le lieu. Mais je priais étant sur le lieu. Quand je me suis donc réveillée au bout de 18h, il y avait trop de bruit chez moi ici, trop de visiteurs. Mais j'étais très mal à l'aise, tellement je sais pas, quelque chose me met. J'étais très mal à l'aise au milieu. À un moment donné, je me suis retirée et j'ai vu mes frères qui étaient connectés au Maroc. Il y avait le frère petit frère, la soeur chat. Je me suis donc joint à. Quand je me suis jointe à eux, j'étais en train de partager et je me suis sentie très apaisée, tellement apaisée. Je n'avais jamais encore ressenti comme ça. J'étais très, très apaisée. Alors, ce que je ressentais donc est parti complètement. Mm-hmm. Donc, après, on a continué à partager aux environs de 19h. Je me sentais électrocutée. En fait, mes bras, mes mains, mes pieds, mes deux pieds, mes deux bras. Le courant passait sur moi. Tellement c'était fort. Tu travailles dans la compagnie d'électricité, ma soeur. Je sentais quelque chose comme ça. Mes yeux tournaient. J'étais comme, mais je ne comprenais pas ce qui n'allait pas. Directement, j'ai eu l'envie de faire mes besoins. Je suis allée aux toilettes. Je m'assois sur le pot. Je me suis sentie tellement électrocutée, je ne sais pas. J'étais trop électrocutée. J'ai commencé à pleurer, à prier, Seigneur, donne-moi la force. J'ai commencé à prier par rapport à ce que je ressentais. Et après, c'est parti. Et je priais. C'est bien après même que je me suis rendu compte que j'ai le coup. Après, donc je me suis levée. Je me suis levée. On a continué maintenant à partager. Et ce n'était plus fort par rapport à ce que je ressentais au départ. Je ne sentais plus trop fort. Et à un moment donné, on se séparait. Parce qu'on devait se retrouver à l'unir pour partager. Donc, quand on s'est donc retrouvé à midi, à minuit pour partager, au moment de prier, j'ai été empêchée. Je sentais que quand je vais commencer à prier, je sens les vomissements. Je vais prier, je sens les vomissements. J'ai donc arrêté. Bon, après, j'entends, écoute, prête attention. Je suis seulement restée tranquille. J'avais mon livre de chant. J'étais en train de prier. Et j'étais en train d'écouter mes frères prier. Je les écoutais prier. Et je sentais que c'était la position qu'il fallait que je reste. Je les ai prier. Donc, puisqu'on m'a donné une heure ici de me coucher, qu'on ne peut que je me couche tard. Quand l'heure a donc sonné, je suis allée me coucher. Puisque d'habitude, je reste allongée dans l'obscurité, mais dans la prière avec les frères, comme je les ai arrêtés. Au moment où j'allais donc me coucher, je me suis sentie électrocutée de nouveau. C'était encore tellement fort. Je me suis couchée, j'étais en ce moment où j'allais. J'ai prié pour eux. C'est comme ça. J'étais debout, mais je priais. Mais je pouvais sentir mon esprit à genoux en train de prier, pleurer, parce que je sentais mon âme. La soeur Claire, on ne t'entend plus. Du moins, je ne t'entends plus. Je ne sais pas si c'est chez tout le monde comme ça. Je ne sais pas si toi, tu m'entends. La soeur Claire, je ne t'entends plus. Pas de, il n'y a plus de mouvement. Allô, la soeur Claire. Allô. Allô. Ouf. Le temps que son micro se positionne, ouvre le livre de Genèse au chapitre 19. Genèse. Lorsque vous êtes connecté sur le micro, sur les téléphones, ne bougez pas, parce que quand vous bougez, si ces connexions-là, ça dérange, si ça décale, là, votre micro ne donne pas. Et comme les écrans sont tactiles également, faites attention de toucher l'écran pour ne pas désactiver votre micro par inadvertance. Alors, les gens, vous y êtes. Je ne sais pas qui pourra lire donc maintenant. Je ne sais pas quelle personne a la. Je crois que la sœur Marie-France, quand elle a parlé aujourd'hui, son son était bien clair. La sœur Marie-France est là, elle nous écoute. Oui, je suis là, frère, voilà. J'écoute. Voilà, ton son est vraiment est merveilleux. Tu peux nous lire le verset 30 à 38 de Genèse, chapitre 19. J'espère que la sœur Claire va positionner son. C'est dommage avec ses connexions sur ces jours-ci. C'est dommage. Donc, Genèse 30, c'est ça? Genèse 19, verset 30? Verset 30 à 38. D'accord. Je lis la parole. Lot quitta Soar pour la hauteur et se fixa sur la montagne avec ses deux filles, car il craignait de rester à Soar. Il habita dans une caverne, lui et ses deux filles. L'aînée dit à la plus jeune, « Notre père est vieux et il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous, selon l'usage de tous les pays. Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. » Elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là, et l'aînée alla coucher avec son père. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aînée dit à la plus jeune, « Voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon père, faisons-lui boire du vin encore cette nuit, et va coucher avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. » Elles firent boire du vin à leur père encore cette nuit-là, et la cadette alla coucher avec lui. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Les deux filles de Lot devinrent enceintes de leur père. L'aînée enfanta un fils qu'elle appela du nom de Moab. C'est le père des Moabites jusqu'à ce jour. La plus jeune enfanta aussi un fils qu'elle appela du nom de Ben-Ami. C'est le père des Ammonites jusqu'à ce jour. Merci beaucoup, ma soeur. Je crois que ton micro est bien, ton son est excellent. Tu vas devoir nous servir d'électrice ce soir, si ça ne te dérange pas. Non, c'est avec plaisir. Voilà. Il y a des sœurs qui ont des enfants là-bas. Il y a vous n'avez pas fermé le micro. Celles qui n'ont pas fermé le micro. Surtout si vous avez de votre côté le bruit, il faudrait mieux fermer, parce que à la réécoute, c'est désagréable lorsque ces sons-là se trouvent là derrière. Alors, la sœur, toi qui as ma sœur, toi qui as lu, quelle lecture ou bien quelle est ton impression à la lecture de ce passage de Lévitique, de Genèse, chapitre 19, verset 30 à 38. Quels sont tes sentiments et qu'est-ce que tu en reçois? Après, j'avoue que je n'ai pas lu parce que je suis à peine en train du travail. Mais j'ai juste entendu vite fait. En fait, ça, c'est une abomination, en fait. Les filles qui ont couché avec leur, qui ont soulé leur père et qui ont couché avec lui. Mais donc, as-tu déjà rencontré ce... Est-ce que tu as déjà lu cela par toi-même dans les Saintes Écritures? Bien sûr, oui. Oui, j'ai déjà lu. Et quel était ton sentiment après avoir rencontré ceci dans les Saintes Écritures? Qu'est-ce que tu en as dit? Qu'est-ce que tu en pensais? Mon frère, j'étais tout simplement choquée. Hein. Choquée par le fait que, parce que si on regarde déjà au départ, c'était des filles, on dit, qui vivaient à Sodome, donc après qu'on les détruit, même si leur père vivait dans, on va dire, c'était un homme, la Bible dit que c'était un homme juste qui se tourmentait du fait qu'il y avait autant de péchés à Sodome. Mm. Et ces filles, on va dire qu'elles, entre guillemets, elles vivaient dans la sainteté. Mm. Mais ce qui est curieux, c'est que ces filles qui n'ont jamais connu d'homme, parce que quand les deux hommes arrivent dans la ville, et qu'on leur demande, les habitants viennent les chercher pour avoir des rapports, machin, et ils disent, prenez mes filles qui sont encore vierges, qui n'ont pas connu d'hommes. Donc, on voit que c'était des filles qui vivaient entre guillemets sainteté, qui n'avaient pas connu d'hommes, mais elles savaient, en fait, à l'intérieur d'elles, elles avaient la semence, en fait, elles avaient ça en elles. Ce qui fait qu'elles n'ont fait qu'après pratiquer, parce que pour... Si on vit dans la sainteté, on est sain. On ne peut pas avoir des idées comme ça, avoir des idées perverses, avoir une idée de faire boire du vin à son père et de, par la suite coucher avec le père pour avoir des enfants. Mmh. On voit que intérieurement, elles portaient déjà ce péché-là, même si elles ne l'avaient pas encore pratiqué, en fait. Mmh. Et elles étaient vierges, dira-t-on, physiquement. Exactement. Mmh. Qui d'autre? Merci pour ta brillante entrée. Comme tu viens de tu entres en urgence là dans la forme de la sainteté. Alors, quelqu'un d'autre a-t-il des réactions à la lecture de ceci? Quand on touche la sainteté, là, vous fermez la bouche maintenant. Hein? Parce que vous voyez là où je vais en venir. Personne ne veut plus parler. La sœur Charlotte, bonsoir. Du côté de Maroc également. La sœur Kelly Nyoré, bonsoir. La sœur Monique. Bonsoir, frère Chignon. Bonsoir, vous toutes qui en train d'arriver. Je sais que vous sortez des groupes priés, d'autres. On leur informe tout simplement que c'est connecté. Maintenant, venez pas ici, les gens se connectent. La sœur Pérec, José, bonsoir. Bonsoir. Alors, j'ai dit, maman Elsa, bonsoir également. Maman Elsa. C'est pas. Bon. Bonsoir à toute la famille. Voilà, bonsoir à toi, bonsoir. Et prends courage. Il n'y a pas quelque chose de grave à l'horizon, d'accord? Ne crains rien. Voilà. Alors, nous avons lu le livre de Genèse chapitre 19, verset 30 à 38, où les filles vierges d'un certain homme appelé Lot, après avoir quitté Sodome, la ville de Sodome, se sont réfugiées dans cette bourgade de Tsoar, à quelques enclavures de la ville, où l'ange lui a donné avec ses filles la grâce de s'y réfugier avant que les pluies de feu ne tombent sur la ville, sur les deux villes concernées par la destruction prônée par le Seigneur. Alors, quelle lecture faites-vous? J'aimerais que vous fassiez ça parce que je veux qu'on aille, on touche une direction. La sœur a parlé maintenant que malgré, on pourrait dire qu'elles étaient saines, vivaient dans la sainteté. Et vous pouvez voir là où je suis en train de vouloir venir ce soir parce que nous sommes dans le période de jeûne. Et je crois que vous avez déjà écouté les enseignements concernant les mauvaises pensées, toutes les neuf parties qui ont été mises là. Vous pouvez voir la dangerosité, comment quelqu'un peut vivre, n'est pas couché avec l'homme, mais on a des désirs et des perversités de pensées là-bas en nous parce que nous vivons dans des environnements qui nous pervertissent ou bien parce que nous avons déjà eu à écouter des conversations ou bien à faire des choses dans le passé qui nous au fur et à mesure s'imprègne en nous. Le moment est arrivé tout simplement, les choses se jouent tout simplement. Comme la sœur Reine a dit, j'étais en train de noter ici, elles ont les pratiques des idées perverses qu'elles avaient reçues et qui étaient ancrées en elles, à l'intérieur d'elles, malgré qu'elles étaient saintes à l'extérieur et qu'on pourrait considérer comme elles étaient vierges, comme leurs parents avaient dit, l'autre a dit à ces gens-là, dans, si vous lisez les premiers versets, que j'ai ici deux filles qui n'ont point connu d'homme. Je vais vous les amener à l'extérieur, vous ferez ce qu'ils ont. Mais concentrez-nous sur les filles et l'action faite avec, contre le père. Qu'est-ce que vous en dites concernant l'action des filles et ce qui la motive? Qu'est-ce que vous pouvez dire dans leur état de sainteté? Voici deux filles qui n'ont jamais connu. Donc, d'où leur viennent ces idées? Comment se fait-il qu'elles puissent savoir qu'en réalité, voici la période bien déterminée qu'il faut aller pour coucher avec lui? Et elles font cette commune-là, elles enfantent. Ça me dépasse. Les femmes parlent, c'est vous là maintenant. Elles étaient déjà souillées. Qui parle là même? Il ne vous voit même pas. C'est la sœur Claudon, la sœur Suzanne Claudon. Ah, c'est Suzanne Claudon. Bonsoir, bonsoir. Shalom. Bonsoir. Toi également. Shalom, ma bien-aimée sœur. Il ne sait pas pourquoi votre micro, ta connexion elle est bonne, mais les autres, là, c'est terrible seulement. Bon, la majorité d'entre vous, personne, vous n'avez pas mis les vidéos seulement, la sœur Claudon, je vois la sœur Claudon, les sœurs Claire. Maman Elsa également. Voilà. Alors, personne ne veut faire de commentaires. Donc, je peux continuer alors. Je disais qu'elles étaient déjà souillées de l'intérieur, quoi. Il y a trop de bruit chez nous. C'est pour ça qu'on ne parle pas. Oui, pour vous, on a bien compris. Pardon, ferme. Ferme, Marcel. Ferme. La sœur Claudon, tu as la parole. Oui, je disais que qu'elles étaient déjà souillées de l'intérieur, quoi. Mmh. Les filles, voilà, elles étaient, malgré que de l'extérieur, ça ne se voyait pas, ça ne se paraissait pas, mais de l'intérieur, il y avait la souillure qui était déjà entrée, quoi. Mmh. La perversion, en fait. Mmh. Mmh. Voilà, elles l'ont juste développé après, mais voilà. Voilà, la perversion était là, quoi, dans leur cœur. J'aimerais bien que vous nous expliquiez comment des filles, dans notre génération, pourraient entendre, par exemple, dire qu'elles ont dû voir les films pornographiques, elles ont dans leur portable ou bien dans leur mini-portable les extraits pornographiques ou bien les clubs vidéo. Il n'y en a pas cela à ce moment-là. Elles sont vierges. Comment elles ont fait pour être perverties comme ça, mes chères sœurs? Allô? Oui, la sœur Niaoré. Oui, moi je pense l'environnement dans lequel elle vivait, oui. Donc certainement elle voyait ce qui se passait, elles entendaient des choses, donc cela se gravait en elles en fait, elles absorbaient ça. Voilà, le fait que leur père était juste certainement, qui leur prodiguait des enseignements corrects, donc qui ne leur permettait pas de mettre en pratique ce qu'elles voyaient, ce qu'elles entendaient. Mmh. Mais elles, comment on peut dire ça? Ça, elles absorbaient ça et ça restait en elles. Mmh. Donc, il restait juste de trouver la circonstance favorable pour qu'elles puissent, mettre ça en pratique, en fait. Ouais. Et elles n'ont pas vu de terrain mieux de pratiquer que sur leurs parents, sur leurs pères qui les prodiguaient les conseils justes. C'est ça? Oui, ben voilà. Ben, justement, Sodome et Gomorrhe, c'était des villes tellement où... le mal était à son apogée, donc vu que même les hommes allaient avec des hommes, donc je suppose que un parent, je sais pas si elles ont pu voir un parent faire avec son enfant et vice versa, et donc ça ne les a pas réputés, quoi, de pouvoir faire ça. Donc pas peur ou voilà. Merci beaucoup, ma soeur Niaoré. Quelqu'un d'autre? Moi, Karine du Canada. Je peux parler, mon frère? Président. Ma soeur Karine, vous êtes timide ce soir ou quoi? Vous ne voulez pas qu'on travaille? Ah non, j'attendais que tu me donnes l'autorisation. J'ai demandé si je pouvais parler. Tu n'as pas répondu. Je pensais qu'on ne m'entendait pas. En fait, moi, je voulais juste dire que c'est en fait une semence qui a été planté. Et moi, je pense que l'origine, c'est vraiment au moment où Ève avait péché, quoi. Et c'est une semence qui a été plantée dans, comme la Bible dit que on est tous pécheurs, quoi. Donc nous tous, on a en nous, je pense, cette semence là qui se déploie différemment chez chacun et à un moment donné de la vie, quoi. Alors moi, je pense que c'est un peu ça. C'est comme ça que j'explique ça. Parce que si on dit qu'elles avaient eu cet enseignement, qu'elles vivaient avec quelqu'un qui craignait le Seigneur, et qu'à la suite, elles ont quand même pu faire ça. C'est juste qu'à un moment, et elles n'ont appris ça nulle part. Ça veut dire que ça s'est déployé sûrement à un moment, et que c'était déjà en elles, quoi. Mmh. Parce qu'il y a des choses, parce que sinon, comment on explique qu'un enfant, par exemple, de 10 ans ou de 8 ans, arrive peut-être à faire des choses alors qu'il n'a jamais vu nulle part. Donc, je suppose que c'est aussi la même chose, parce que ça, moi, ça me rappelle aussi beaucoup mon enfance, et il y a des choses que je n'avais jamais vues, mais que je faisais. Mais j'avais vu ça où? Donc, la semence est là, elle est là. Dis-nous alors, ma soeur, donc tu avais vu ça où? Non, mon frère. C'est là passé. En fait, je veux juste dire qu'il y a des choses que, aujourd'hui, quand je refais le film de ma vie, je me demande comment j'ai pu faire ces choses-là. Où est-ce que j'ai vu ça? Ça sort d'où? Et après, c'est vrai que par la suite, ça a été alimenté par plein de livres que je lisais, des films que je voyais pas à la suite. Mais c'était déjà là en moi, bien plus jeune que ça, bien plus jeune. Maintenant, est-ce que je ne vais pas dire que je me rappelle, que c'est vrai que je me rappelle des périodes où il y a eu des attouchements quand j'étais plus petite par des personnes un peu plus âgées, mais voilà, c'est très vague dans mon esprit, c'est très très vague. Mais je me rappelle quand même que très jeune, je faisais des choses que normalement un enfant de mon âge ne fait pas. Où est-ce que j'avais vu ça? Je ne sais pas, peut-être j'avais vu sans me rendre compte que j'ai vu, mais je suis convaincue que la racine, elle est en nous, et que à un moment donné de notre vie, elle se déploie tout simplement quand les circonstances se présentent et qui permettent qu'elle se déploie. Et c'est ces choses-là se déploient. C'est pour ça que des fois, on va être étonné, mais comment je suis comme ça? Comment est-ce que ça se fait? Et voilà quoi. Moi, je pense. Voilà. Donc, on comprend que tu dis que chaque personne a sa semence, cette semence de péché en elle, comme la Bible déclare que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais le cas pathétique de ces rapports sexuels entre l'homme et entre ces jeunes sœurs, si avec leur propre père, n'est-ce pas, ça ne passe pas d'une autre dimension là? Oui, maintenant, moi je pense qu'elles savaient même que ce qu'elles faisaient n'était pas bien, puisqu'elles ont enivré elles ont donné à boire à leur père. Donc, elle savait que normalement, c'est une action qui n'est pas correcte. Oui. Donc, et qu'il n'allait jamais accepter s'il était lucide. Donc, c'est pour ça qu'elles l'ont enivré. Ça dénote encore de la mesquinerie même, du fait qu'elle savait que ce qu'elle faisait n'était pas bien et qu'elle voulait arriver à leur fin. Donc, il fallait qu'elles utilisent la ruse pour pouvoir faire ça. Pas étonnant que le Seigneur dit que les Ammonites, dont ces gens-ci qui sont nés de ces relations-là, les relations illicites-là, n'entreront pas dans son assemblée. Et puis, malheur à celui donc là qui fait boire des, qui enivre son prochain pour voir sa nudité. Alors, je repose une question simple. Je ne sais pas si les autres sœurs nous écoutent là. Il y a celles qui écoutent religieusement. Il y a d'autres personnes. Je ne voudrais pas que cet enseignement s'y dise aujourd'hui. Mais je ne sais pas où est-ce qu'on doit aller là maintenant. Que dit donc des rapports sexuels incestueux? Nous voulons parler de l'inceste aujourd'hui. Merci Père, merci. Beaucoup de personnes ont vécu l'inceste dans leur passé. Beaucoup de personnes. Et ont été d'une façon ou d'une autre oppressées par des aînés. Que ce soit le viol. Et notez le livre. Oh mon Dieu, je crois que c'est ça. Non, c'est ça. Et beaucoup en cachent à l'intérieur et ne savent pas comment faire pour s'en sortir avec ceci. Je crois que le Saint-Esprit veut guérir les cœurs et en délivrer par une porte qui était ouverte dans des vies, par des gens qui ont subi des viols et de l'inceste. La sœur Sandrine, je crois que la sœur Sandrine vient de nous joindre là. Si de nous joindre, daigne fermer le micro. alors que ces choses sont en train d'être dénoncées là. Donc, fermez le micro, Sandrine. Ferme le micro. Dès que vous collectez, dites à ton mari de quitter là-bas. Il s'agit de l'enseignement de la femme. Dis-lui de quitter. J'arrive avec vous. Le Seigneur a demandé qu'il travaille avec vous. Vous là, je ne vais pas vous faire de cadeau. Attendez seulement, j'arrive. Vous les hommes, on aura du travail. Voilà. Donc la sœur Sandrine dit à ton mari de quitter parce qu'on va travailler. Alors, donc, je crois que le Seigneur veut que nous travaillions. Waouh! Que nous travaillons dans le cadre de ces viols. De ces viols. Oui, les viols. Donc il y a des gens qui ont. Oh mon Dieu! Vous savez, des portes. Mon Dieu. Prions, mes sœurs, prions. Tendre Père. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu n'as pas changé. Merci pour ta présence ce soir. Merci Dieu de gloire pour ce que tu fais. Seigneur, tu nous parles au Dieu de gloire des relations sexuelles incestueuses. Tu insistes particulièrement sur le cas des viols et de l'inceste dans les familles. Père, alors que nous sommes en train de parler maintenant, il y a des gens qui ont subi ces cas-ci de viols, des attouchements. Les uns, c'est avec leurs frères, les autres, c'est avec leurs cousins, les autres, c'est leurs propres parents. Les autres encore, c'est avec les gens du même sexe qui ont fait pratiquer cela. Mais très souvent, au Dieu de gloire, les uns et les autres, les unes et les autres également, se cachent. Et puis cette porte-là reste fermée dans leur vie, avec le diable qui reste à l'intérieur avec le ténèbre. Un grand ténèbre se trouve dans leur âme, et tu veux guérir cela ce soir. Je prie au Dieu de gloire que la lumière soit dans l'âme de quiconque aurait subi ces choses-là au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie au Dieu de gloire que ce soir, par cette voie, tu délivres quelqu'un qui traversait ces choses. Je prie au Dieu de gloire que la guérison germe dans l'âme de quiconque. Au Dieu de gloire, écoute cette voix et a subi des attouchements sexuels dans son tendre âge et que le démon a profité pour ouvrir les portes à l'intérieur. Seigneur, tu dis effectivement que par cette porte-là, les personnes n'ont plus le contrôle sur leurs pulsions sexuelles et vivent dans l'impurité. Que la majorité d'impuretés et des pulsions sexuelles sont contrôlées par ces démons qui sont entrés au travers des viols et des attouchements. Je prie Dieu de gloire que tu guérisses quelqu'un ce soir et que tu guérisses les cœurs. Que tu guérisses, oh Dieu de gloire, en accordant le pardon. Parce que chaque fois quand cette personne s'y voit, la personne qui lui a fait cela, et il pense tout simplement, oh Dieu, la haine et le ressentiment, oh Dieu de gloire, l'envahit. Seigneur, merci Père de gloire parce que tu guéris de la honte. Tu guéris, oh Dieu de gloire, de l'impurité. Je prie Dieu de gloire que tu guérisses quiconque écoute cet enseignement ce soir et qui a été touché par ces fléaux dont tu veux parler ce soir. Que ton nom se soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je me préparais à parler de la. Qu'on continue dans le cadre du féminisme, mais je vois que le Saint-Esprit veut que nous travaillons plutôt dans cet autre volet-ci. Les portes sexuelles obtenues par les viols. Ah, mon Dieu. Mais si vous voulez qu'on parle vraiment ce soir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je crois que c'est le jeûne qui amène ceci. Merci Père, merci. Le Seigneur veut nous nettoyer, nettoyer nos âmes, nettoyer, nettoyer, nettoyer, nettoyer. Il y a des jeunes gens qui m'écoutent maintenant, alors qu'ils ont été ils ont eu des attouchements par des camaraderies, ils ont joué ces choses-là dans la camaraderie, et puis ils ont touché, et ils commencent à avoir des influences, et ce d'une certaine façon. Et des femmes qui ont subi des influences dans cette direction-là, littéralement violées. D'autres encore ont eu des expériences dans leur jeunesse avec des gens du même sexe. Le Seigneur veut traiter avec ça ce soir. Je suis à votre service, je suis à votre écoute. Prenons d'abord quelques versets bibliques. Lisons d'abord doucement et on en parle ce soir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je crois qu'un cas typique est présenté dans les Saintes Écritures que nous venons de lire là maintenant. Prenons le livre de... Ouvrons. Merci Père. Waouh. Quelle présence. Est-ce que je peux parler? Qui parle là? C'est la sœur Kétia. Oui, la sœur Kétia, vas-y. Bonsoir et bienvenue. Je sais pas comment dire ça. Bon, c'est un peu difficile pour moi. Quand tu as parlé La sœur Kétia, on en est touché un thème délicat là, mais je ne sais pas comment le Seigneur va amener ceci. Donc prenez bien la mesure, parce que quand nous allons commencer à toucher, si nous touchons, nous allons aller dans les profondeurs, parce qu'il faut qu'il y ait des, il doit avoir des délivrances ici, d'accord? Donc, mesurez bien ce que vous allez dire et mesurez bien comment vous allez en prendre. Je ne sais pas comment il va faire cela. Moi, je m'apprêtais à parler du féminisme afin qu'on touche le domaine de Jézabel et nous voici maintenant dans cette autre direction. Oui, ma chère, parle. Oui, non, je disais que quand tu as parlé de la sieste, excusez-moi, c'est un peu. En fait, Le Seigneur va faire son travail ce soir, croyez-moi. Le Saint-Esprit fera son travail ce soir. Seigneur, tu es Dieu. Que ton nom se soit sanctifié. Que ton nom se soit sanctifié. Que ton nom se soit sanctifié. Que ton nom se soit sanctifié. Courage, ma soeur. Courage. Courage. Parle. Vous voyez comment le Saint-Esprit fait les choses. Si on prend, il faut qu'on suive effectivement la direction qu'il en est de tracer. Parce qu'il a des choses, lui, là, qu'il est censé faire. Alors on doit s'abandonner à lui. Courage, ma soeur. Ça prendra le temps que ça va prendre, mais ce soir, nous sommes ensemble. Il a décidé qu'on fasse comme cela. En fait, quand j'avais 9 ans ou 10 ans, en fait, bien avant cela, en fait, j'ai failli me faire voler par mon cousin. J'avais 6 ans. Ensuite, quand j'avais 8 ou 9 ans, mon père m'a envoyé chez ma tante. Et ensuite, j'habitais chez ma tante et je dormais dans la chambre de ma cousine. J'avais 9 ans. 9 ans, je crois. Et je ne sais pas comment ça a commencé, ni vraiment, je ne sais pas. Elle a commencé à me faire des accouchements. Ça, c'est une femme, ça, c'est une fille maintenant. Moi, je savais pas ce que. Je ne savais même pas. Et au fur et à mesure, elle avait refait ça plusieurs fois. Et au fur et à mesure, en force de refaire, j'ai pris goût. Et du coup, elle m'a refusé ça et tout. Saint-Esprit de Dieu. Seigneur, je te glorifie pour tout ce que tu fais, car c'est toi qui connais les choses cachées de nos vies. Père de gloire, tu veux dénoncer ces œuvres dans tes enfants ce soir, car tu veux traiter avec cela en profondeur. Merci Seigneur, parce que sans ta présence, oh Dieu, nous ne pouvons absolument rien. Merci Père de gloire pour la guérison que tu amènes dans nos âmes. Merci pour la restauration que tu amèneras ce soir. Merci Dieu de gloire pour le pardon, pour la restauration de nos cœurs. Merci Père pour la délivrance que tu opères ce soir au travers de cet enseignement. Ma chère, parle, c'est ici se trouve donc la délivrance. Vas-y, parle. Ok. J'ai pris goût et du coup, on refaisait ça tout le temps. Et puis, quand j'ai quitté, je suis partie m'installer chez mes parents parce que là, ils avaient les moyens pour m'accueillir chez eux. Après, je ne sais pas. J'ai commencé à avoir, je sais pas, le désir pour les femmes et les filles de mon âge en fait. Il y avait une fille là, elle aussi, je crois, elle faisait ce genre de choses et des fois je lui proposais, je lui disais bien et tout, qu'on pense à la nuit. Et puis en grandissant, à un moment c'est parti, j'ai plus eu du tout de désir pour les femmes. Je crois, il y a 4 ans, il y a 5 ans, c'est revenu encore. Là, c'était au niveau des songes. Je rêvais que je couchais avec les femmes, ou même en journée, comme ça, j'avais je pouvais juste voir la force. Comment expliquer ça? Quand je voyais des femmes, par exemple, qui mettaient des trucs, c'est tout. Ça provoquait des choses en moi. Je rejetais cela. En fait, je savais que c'était mauvais. J'en touffais. Je disais non, je ne veux pas faire ça. Je ne veux pas avoir ce plaisir-là pour les femmes. Et je ne veux plus. Je veux plus. mais ça continuait toujours, ça continuait. Des fois, ça s'est arrêté, je ressentais rien. Mais après, ça continuait encore, ça continuait. Et là, tu bagarrais avec sa personne et savais ce que tu vivais à l'intérieur. Non, je ne pouvais pas dire ça parce que c'était honteux. Comment expliquer que non, j'ai des désirs pour une femme. Je me disais que non, je voulais pas. Ça me dégoûtait. Je me disais non, je ne peux pas avoir ça en moi, c'est pas possible. Et puis, moi, à un moment, ça a arrêté. Du coup, j'ai pensé que c'était bon, c'était fini. Quand j'ai rencontré le père, il y avait tellement de choses. Et je lui ai expliqué, il m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi? Je lui ai dit, bah voilà, quand j'étais petite, j'ai failli me faire violer par mon cousin. J'ai eu des accouchements avec ma cousine, parce que c'était ma cousine. Et puis là, bah, des fois, je ressens des désirs sexuels pour les femmes, mais je ne sais pas comment faire et moi-même, je ne veux pas ça. Et puis, dernièrement, bon, ça fait des mois, j'ai fait que les songes où je couche avec des femmes, Et dans les songes, je ressens tout. Avant, ce n'était pas comme ça. Et ça s'amplifie. Et tout le temps, dernièrement, là, je n'en pouvais plus. J'étais vraiment abattue. Je me disais, mais comment je vais m'en sortir avec ça? Comment c'est possible que je fasse à chaque fois ce genre de choses? Et je ne comprenais pas. Je me disais, mais comment je peux le faire? J'étais vraiment dépassée par la situation. Je ne sais pas. Et le Saint-Esprit s'est souvenu de vous ce soir, d'accord? Ce soir, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu seras libre, d'accord? Donc, malgré que tu es avec un garçon qui, tu pensais qu'elle était avec, et beaucoup en souffrent comme ça, même dans le cadre du mariage. Ils sont mariés, elles sont mariées, mais ils ont toujours des affections pour les autres, pour les personnes du même sexe. Le mariage ne sert que de tremper pour accoucher et pour vivre, mais cette personne sera toujours le même sexe. Vous voyez ce que le Saint-Esprit fait pour cette jeune sœur. Et toi particulièrement, lorsque j'ai commencé à parler, qu'est-ce qui s'est passé avec ton corps? J'ai comme l'impression qu'il y a une chaleur qui t'est venue sur ton corps pour t'identifier exactement. Je n'ai pas dit, c'est comme une chaleur partagée dans mon corps. Exactement. Exactement, c'est le moment. Donc, le Seigneur a manifesté quelque chose pour montrer que c'est à toi, il y a quelque chose qui se passe pour le moment. D'accord, ma chère? Ta porte est fermée. Est-ce qu'on peut prier tout à l'heure là pour toi? C'est fermé, n'est-ce pas? Donc, le Seigneur s'est souvenu de toi ce soir et de toute personne qui vit de cette même chose-là. D'accord? La femme dans la sainteté a pour but justement de dénoncer les œuvres de ténèbres, toutes ces ténèbres qui avaient envahi nos âmes, comme nous voyons ce soir, afin d'amener les femmes particulièrement dans la sainteté. Ces femmes qui, la Bible déclare, chargées de péchés et de passions, sont prisées par des hommes et pour les utiliser afin de faire tomber les hommes dans le péché. Mais ce soir, le Seigneur s'élève pour les femmes dans la sainteté. La sœur Suzanne Clodon parle. Je te regarde, tu me regardes. C'est que tu restes calme tout simplement. D'accord? Cette chaleur qui t'a parcouru tout à l'heure se trouve encore sur toi. Je peux ressentir ça jusqu'ici. Jusqu'ici. Reste calme tout simplement. D'accord? Donc laisse-le continuer. Laisse-le continuer à œuvrer en toi. Reste juste calme. Ça se trouve dans ta chambre. Oui, ça peut se. Ça se sent dans ta direction. Ça se trouve là. Donc laisse-le faire ce qu'il a de faire dans toi. La sœur Suzanne Clodon, je suis avec vous. Oui, en fait, moi de même, j'ai eu ce même souci et qui m'a poursuivi, quoi. Quand j'étais petite, je ne sais pas pourquoi, un jour, j'ai commencé à me toucher, quoi. Je devais avoir quel âge? Dans les, je pense, 5 ans, quoi, 5-6 ans. Et j'ai commencé à me masturber comme ça. Je ne sais pas comment. Et avec le recul, quand je reviens en arrière, je me pose beaucoup de questions, je me demande comment ça a pu arriver, quoi, à cet âge-là, quoi. Et puis, À l'époque, bon, j'habitais au village au Cameroun, et j'avais une voisine avec qui on pratiquait ce genre de choses en fait. Et ça a commencé par des attouchements. Et puis oui, on a commencé à faire ces choses-là en fait. Voilà, ça, on l'a fait quelquefois en cachette. Voilà. Et puis un peu plus tard, c'était la sœur de la femme de mon papa, toujours au Cameroun, avec laquelle on a continué à faire ce genre de choses. En fait. J'aimerais bien entendre ces détails. Si vous êtes enfant, vous vous rencontrez, vous parlez de comment, vous parlez comment pour arriver à ce genre d'actes en tant qu'enfant, en tant qu'adolescent. Et ça, c'est une, ça c'est un des volets. Et les personnes âgées comme la femme de ton, je crois la sœur de la femme de ton papa, ta tante, donc là, quand elle fait comment pour commencer à parler de ces choses-là avec toi, étant enfant, jusqu'à ce que vous arriviez à ce niveau-là. Bah en fait, on a le même âge, hein. Même jusqu'à aujourd'hui, on est toujours en contact, sauf que voilà, dans un autre contexte. Et en fait, je me souviens, je partais, bon, j'habitais au village et de temps en temps, j'allais à Douala pour passer des vacances chez mon papa. Et c'est là-bas qu'on se retrouvait. Et en fait, c'est arrivé qu'elle ne parlait même pas, tout simplement. Elle était expérimentée. Hein. À quel âge, temps, là à quel âge? Ouf. Je pense qu'on devait avoir, allez, on va dire 10 ans, une dizaine d'années, 10 ans par là. 10 ans expérimenté, expérimenté dans le lesbianisme. Ça, c'est mon pays. Et c'est ainsi qu'en fait, je me souviens à l'époque, on couchait par terre, tous ensemble serrés comme des sardines. Et quand j'étais à côté d'elle, elle a commencé à me toucher comme ça. Et elle a commencé à me toucher, à me toucher. Et moi, bizarrement, ça me plaisait, quoi. Ça me plaisait. Et puis moi aussi. Et c'est comme ça qu'on faisait ces choses-là quasiment tous les soirs, quoi. Et aujourd'hui, avec le recul, je me suis dit, waouh, comment c'est possible, quoi. Comment c'est possible. Et ces soirs, pendant que nous parlions, quand le Saint-Esprit nous dirigeait par là-bas, tu savais effectivement qu'il fallait qu'on parle de cela. En fait, quand tu as parlé de la chose, j'ai commencé à me remémorer mon passé, en fait, tout simplement. J'ai commencé à me remémorer et tout ça. Aujourd'hui, je sais pas, j'ai suivi le témoignage de la sœur Kétia et j'ai commencé même à me poser des questions si vraiment elle parle de voir les femmes, les filles nues dans le sang ou avec lesquelles elle fait des rapports, elle a des rapports. Moi, c'est vrai que quand j'étais dans le monde, encore juste avant que je sois chrétienne, j'avais ce genre de songe là aussi. Je voyais de temps en temps, je me voyais avoir des rapports avec des filles et tout ça, mais pas trop, hein. C'était pas excessif encore, c'était voilà. Mais ça m'arrivait quand même. Et figure-toi, mon frère, que dernièrement, juste avant d'être chrétienne, tu as fait un dernier tour. Ils ont fait un dernier tour chez toi. Pardon? Non. Avant d'être chrétienne, il y a un dernier tour que les autres sont venus encore. Allons-y. Oui, que de péripéties, mon frère. Et en fait, je me souviens même. Et c'est que je suis allée voir ma meilleure amie. C'était on était parti, on est avec mon mari, on a été en France. Et en vacances chez ma meilleure amie, c'est elle, depuis que je suis en Europe, on est soudés, quoi. On va à l'école, depuis on a toujours. Et bizarrement, j'ai commencé à avoir des désirs pour elle. C'est terrible comment le diable peut faire des choses. J'ai commencé à avoir des désirs comme ça. Parce qu'elle, en plus, c'est une personne qui s'habille très décolletée, très sexy. Et j'ai commencé à lui faire des avances. À lui faire des avances, ouvertement comme ça. Elle me repoussait. Mais moi, je lui disais des choses. Je disais des choses comme ça. Et je rends grâce à notre père que ça n'a pas abouti, quoi. Ça n'a pas abouti, vraiment. Tu rends grâce quand tu l'as dragué, elle a refusé, quoi. Bah, oui, vraiment, elle a refusé. Attends, tu l'as draguée, elle a refusé, tu as couru devenir chrétien une fois. Oui, en fait, oui, je l'ai draguée et en fait, je pense que c'était l'esprit qui était derrière. Et ça, c'était, voilà, j'étais poussée par un esprit, en fait. Merci pour ton témoignage. Poussée par cet esprit-là. Merci pour ton témoignage. La sœur, comment elle s'appelle? La sœur Nafi, c'est Nafi. Nafi, avance. Si ta chaise, tu te places ici devant la caméra. Tu t'avances. La sœur, pendant que la s'est préparée là-bas, je crois que vous, il faut que vous, là-bas, chez la sœur Julie Ngabola, essayez de cantonner les enfants parce que soyez vraiment, vraiment calme le plus possible pour qu'on puisse gérer ces choses-ci là. Je sens de sentir quelque chose de chez la sœur Nafi là, avec la sœur Nafi. Il y a d'autres qui ont fermé leur caméra, ils ne les voient pas. Il y a une qui est connectée ici ce soir, Camille, je vois ici Camille Beaufon, ça c'est du côté de Togo. C'est Togo, c'est ça? Lomé au Togo. Camille Adama Bonfort Bissa, c'est ça? Oui. Comment va Bonsoir. Comment va ton mari? Bon, il va bien. Ça va. Il est où? À la grâce de Dieu. Où est-ce qu'il se trouve, ma soeur? Il est à côté. Il est là, il est dans sa chambre. Dans sa chambre. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, il est à côté. Qu'est-ce qu'il y a eu, ma soeur? Allô? Oui, tu m'entends? Bon. Oui, je vous entends parfaitement. Non, mais ne me vois pas. Tu es ma soeur, n'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce qu'il y a eu entre toi et ton époux? Bon, au début de... Pendant les jeux. Oui. Ou bien, bon, pendant les jeux, bon, je il y avait quelque chose parce que j'avais eu un songe quand les jeux ont débuté. J'avais eu un songe qu'il y avait trois personnes qui sont venues et dans la maison. Là où nous habitons présentement. Bon, il nous disait de quitter les lieux. Puisqu'il nous avait loué les lieux, nous, on les dérangeait. Moi et mon mari, on vit comme des princes et des princesses, qu'on les dérange trop par rapport à la prière. Donc, il nous donne 24 heures de libérer la maison. Oui. Donc, ils sont venus, et dans le songe, ils sont venus. Mon mari n'était pas là. Donc, j'étais là seulement avec les enfants dans la chambre à coucher. Donc, ils ont commencé par ranger les choses. Quand eux, ils nous ont loué la maison, ils avaient laissé leurs affaires. Donc, nous, on n'entretenait pas bien leurs affaires. Donc, ils sont en train de ranger leurs affaires. Ils étaient très nerveux. Allô, ma soeur du Togo, tu as des problèmes de connexion. C'est devenu comme un endroit de forêt. Il y avait des ruelles d'eau par terre. Or, c'était une chambre bien propre. Donc, bon, comme il me disait cela, mon mari n'était pas là. Je les ai dit que j'avais compris. Donc, quand mon mari viendra, je lui rendrai compte. Et ils sont partis. En tout cas, les entités qui sont là-bas, si on ne dégage pas pendant 24 heures, s'ils commencent pas à réagir, en tout cas, ça nous regarde. Donc, bon, et j'ai compris, je les ai écoutés, ils sont partis. Quand ils sont partis, dans le songe, mon mari est revenu. Oui. Donc, quand mon mari est revenu, il me disait, bon, au fait, quand ils sont partis, j'étais sortie pour lui passer un coup de fil, lui dire qu'il est où. Donc, c'est ce qu'on m'a chargé de lui dire. Donc, il n'a qu'à venir. Donc, quand j'étais sortie, je ne trouvais pas une cabine téléphonique. J'ai cherché partout dans le secteur. Je ne trouvais pas. Donc, en ce moment, il était déjà là avec les enfants à la maison. Donc, quand je suis rentrée, il m'a vu, il me demandait où est-ce que je suis partie. Donc, c'est là que je lui disais que je suis allée chercher une cabine téléphonique pour l'appeler, voir où est-ce qu'il est. Puisque les propriétaires de la maison veulent qu'on sorte. Oui, pour libérer les lieux, qu'on les dérange avec nos prières, tout ça. Oui. Donc, subitement, au moment où j'étais en train de lui expliquer, il a commencé par me frapper. Oui. Donc c'est là que je lui disais qu'au fait, j'étais sortie, c'est pour aller chercher une cabine téléphonique pour lui rendre compte. Oui. Donc c'est là qu'il me disait qu'il fallait que je lui dise ça tôt, pour qu'il ne porte pas les mains sur moi. Donc dans le songe, je l'ai révélé tout ça, je l'ai dit ça. Oui. Et il disait que bon, il a compris qu'on va libérer les lieux. Au fait, la maison dans laquelle nous vivons, on a acheté ça. Mais bien avant qu'on achète la maison, on ne savait pas qu'il y avait beaucoup de choses qui se sont passées. C'est après qu'on nous disait que et le propriétaire même du terrain, son fils était un grand voleur. Donc dans le quartier, il avait volé dans la maison de quelqu'un et on a enfoncé un clou dans sa tête. Sur sa tête. Donc il est venu mourir là où nous sommes présentement, quoi. Donc souvent, je faisais des songes, je disais ça à mon mari, mais il ne prenait pas ça en compte. Il ne prenait pas ça en compte. Donc pendant les jeûnes, j'ai encore fait ce songe-là. Oui, ma soeur, pour ce cas, ce n'est pas assez grave. On doit prier pour la sanctification de votre maison parce que ça vous appartient maintenant. Vous allez mettre votre footprint. Oui. Vos footprints. On va se voir, il va vous donner les recommandations par rapport à cela. Mais tes concernants, je suis en train de regarder dans le passé et ça, c'est parce que pendant que tu es en train de parler, je suis en train de sentir l'esprit me diriger que ici n'est pas le problème. Mais il y a une femme, comme dans le songe, avec cette femme-ci à longs cheveux. Qu'est-ce que cette femme-ci t'en veut? Allô? Pas du tout. Puisque une fois, il dit que bon, pendant son sommeil, il voit une femme qui apparaît. Oui. La caractéristique de cette femme, c'est qu'elle a les cheveux. C'est les cheveux qui m'intéressent là. Je ne sais pas. Bon, il est là, je peux l'appeler. Non, non, non, ça c'est l'émission des femmes ici aujourd'hui. C'est l'émission des femmes, d'accord? Parce que cette femme-ci veut créer des tensions, veut créer des tensions entre vous. C'est pour cela qu'ils sont des faits comme cela. Parce que cette femme-ci, elle va venir vers toi et te créer les accès de colère où tu ne dois pas savoir pourquoi ça t'arrive comme ça, alors que c'est cette femme-ci en train de faire cela. Oui, oui, oui. Donc, pour un rien du tout, tu vas te mettre en colère sans savoir pourquoi. Oui, la fois passée, j'ai eu à faire ça pendant le jeûne. Oui. Bon, après, quand tu es revenu vers toi. J'étais bien avec lui, mais vers. Oui, attends, et quand tu reviens vers toi, la question, ton esprit revient, tu dis, mais c'est pas normal qu'il fasse cela. Oui, effectivement. C'est cette femme-ci qui est l'auteur de cela. Qu'est-ce qu'on va faire ce soir-ci avec ces genre de choses-là maintenant? Vous voulez qu'on fasse quoi avec cela? On ne peut pas avancer avec ces genre de choses-ci. On ne peut pas, on ne doit pas avancer avec cela. Donc, cette femme-ci veut créer les zizanies entre vous. Je crois que je vais parler avec, pour ton cas, je vais parler avec ton mari pour qu'on puisse résoudre ces problèmes. Il faut qu'on scie cela de vous. Ça, c'est une femme avec le rasta qui elle est constamment entre vous là pour vous créer des problèmes. Donc, pour un petit rien, même les choses que vous n'allez pas discuter, elle se trouve là-bas, elle vous crée des tensions, vous cassez la tête et puis vous discutez comme ça là au point où les gens sont énervés. Oui. Que le Seigneur te bénisse, d'accord? Bonsoir et bienvenue. Tu n'es pas dérangé quand je parle de cela, non? Non, non, non, je ne suis pas dérangé, pas du tout. Puisque c'est un problème qui dure. Amen. Qui a duré beaucoup. Oui. Oui, ne t'inquiète pas, ça va se résoudre, d'accord? Permets-moi qu'on va danser. On suit la direction avec ces choses sexuelles, c'est parce que c'est le plus dangereux. Le temps pour moi de dire bonsoir et bienvenue à la sœur Christiane Yankan. La sœur Christiane, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. On t'entend parce que tu parles assez rythme, on ne t'entendra pas du tout. Oui, bonsoir, mes bien-aimés, bonsoir. Voilà, bienvenue. Bonsoir. Je ne sais pas si tu as ton interface, c'est l'ordinateur, si tu peux soit te rapprocher de l'ordinateur ainsi, ou bien si c'est un laptop pour poser sur ton pied, pour que la proximité du micro, d'accord? Tu as suivi le sujet dans lequel nous sommes en train de travailler là? Oui. Oui, j'ai suivi. On sait quelque chose, j'ai suivi. Mais frère, pourquoi tu m'as regardé? Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Tu avais quelque chose à dire, ma soeur? Tu avais quelque chose à dire? Bon, j'ai vécu ça. Moi-même, avec mes petits frères, on a fait ces choses-là. Quoi est-ce que le Seigneur me fait ce soir-ci? Pitié de moi. Pitié. Allons-y de ce côté-ci. La soeur n'a fait ça. Nafissa, allons-y maintenant. Ce soir, ces choses doivent être mises à nu. C'est le moment. Elle peut parler maintenant du côté des deux rues Bougainville. le Saint-Esprit a décidé que c'est aujourd'hui pour en découdre avec cela. Souvenez-vous de ceci, nous sommes dans la période des jeûnes. Et quand vous priez dans vos différents groupes, vous priez que le Seigneur expose mes ténèbres, s'il y a n'importe quoi, expose. Et lorsque le Saint-Esprit vient faire ces choses-ci, on devrait lui dire merci d'avoir exposé ces choses-là. Amen. Amen. Mmh. Amen. Mmh. Souvenez-vous, quand vous adressez la prière à Dieu, il a sa façon à lui de répondre. Alors que Dieu vous bénisse, alors que vous priez dans ces différents groupes-là, le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. La sœur, je suis du côté de rue Bougainville. J'espère que le Seigneur va me laisser ce soir vraiment parce que cette chose sur moi. Seigneur, merci pour ta présence. Merci, Père de gloire, parce que tu aimes tes enfants. La sœur n'a fait ça, nous sommes, je suis avec toi. C'est avec je toi. Ça, c'est tout. Je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé. Quand j'étais petite, là. Dans la cour, on habitait. Il y avait une jeune fille qui était là-bas qui me ramenait tout le temps dans les toilettes et puis elle nous doigtait et tout. Tous les jours, elle nous faisait ça et puis après, elle nous donnait des bonbons et tout. Là, tu avais quel âge? Et quand j'ai grandi, j'avais peut-être 8 ans, 9 ans, entre 8 et 9 ans. Jusqu'à 10 ans, 11 ans, c'était elles habitaient dans la cour jusqu'à ce qu'elles partent. Les autres, nous sommes allés traiter un sujet sérieux. Les autres ceux qui n'ont. Il y a quelqu'un qui est assis à côté de la soeur. Je crois que celle-là a besoin de prier. Vérifiez les enfants. Vérifiez que les enfants ne parlent pas. Oui, ma, la soeur Nafisa, tu sais très bien ce qui s'est passé à l'intérieur de ton corps maintenant pendant que tu entends cette voix, n'est-ce pas? Tu sais exactement ce qui se passe à l'intérieur de toi, n'est-ce pas? Du coup, quand j'ai grandi, quand j'étais avec mon mari et tout, à un moment donné, j'étais avec lui, j'avais pas su ses penchants. À un moment donné, dans mes sorties et tout, j'ai croisé une amie là. Et quand je regardais l'amie en question, elle me plaisait, j'ai commencé à ressentir des attirances. Elle me plaisait, j'avais envie de l'embrasser et tout. Donc du coup, je l'ai attrapé l'amie et je l'ai embrassée. Et moi, ben, ça m'a dépassée, mais je me dis, c'est quoi ça? Et puis du coup, elle m'a regardée, elle me dit, ça me plaît ça, donc on peut continuer et tout. Donc elle a commencé à. On allait le même soir, on allait chez elle. On est sortis ensemble et après c'était devenu fréquent parce qu'on venait de commencer, donc c'était devenu fréquent, on faisait tous les jours jusqu'à ce que je ne m'occupais plus de mon foyer. J'abandonnais mon mari même juste pour être avec elle, j'étais tout le temps avec elle, je faisais tout avec elle, j'étais avec elle jusqu'à je fais 2 ans même danser avec elle. Et on faisait des palabres, on revenait, on faisait des palabres. Quand je fais des palabres avec elle, je suis malade à la maison, je supportais plus mon mari. Je voulais quitter mon mari parce que c'était avec cette personne-là, je voulais rester avec elle et tout ça là. Un jour, son mari n'était pas là, son mari est venu. Parle, ma soeur, parle. Il dit, c'est qu'elle s'est passé là parce que ça t'a amené le verre dans le ventre. Son mari est venu. Et puis elle m'a proposé non de faire avec son mari, que son mari aime bien ça et tout. Je dis, ah, d'accord, moi je ne veux pas, parce que je ne veux pas qu'on se mélange avec les hommes. Elle m'a dit non, pour mon mari, pour moi, faire ça et tout. Donc comme je l'aimais, j'ai accepté de faire ça avec elle, avec son mari et tout. Et après, elle et moi, on se voyait. Là, c'est en France, ou c'est en Afrique? En Côte d'Ivoire. Et maintenant, à l'heure où nous sommes en train de parler, en Côte d'Ivoire, l'histoire des PD et des lesbianismes a pris une autre tournure là-bas maintenant. Et lorsque Dieu va encore amener l'eau cette fois-ci jusqu'en plein centre-ville pour détruire les gens, on va se poser la question, qu'est-ce qu'il y en a d'arrivé? Pourtant, des choses impures se passent. Vous voyez des jeunes garçons qui marchent là tout à côté des grands bassins. Vous croyez que ce sont des amis, alors qu'ils partent faire des alliances avec les sirènes des eaux, font des alliances. D'autres font des alliances, ils se coupent telle la main pour se faire des sangs des alliances. Un homme avec un homme. C'est terrible. Des femmes avec des femmes à Abidjan, en Afrique. C'est terrible. C'est encore plus poussé ici, dans ces coins-ci. Écoutez ce qu'on a de voir là. L'échangisme, le lesbianisme. Même quelqu'un qui est marié n'aime pas son mari, mais aime faire plutôt avec les femmes. Et là, nous nous trouvons là. Et là, regardez, vous voyez. La sœur Julie met la main sur son ventre, là, sur son ventre. Que cette chose-là qui est de son ventre là. Mets juste la main là-bas, il faut qu'on prie pour elle. On commence par elle là maintenant. Mets juste la main là-bas. Mets juste la main. Ne bouge pas. Mets juste la main. Quitte son ventre. Merci. Au nom de Jésus. Ne pas me donner de soeur au sang de Jésus. Que ton ventre. Quitte son ventre. Quitte son ventre. Esprit méchant, quitte son ventre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Va-t'en. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus. Je veux être libre pour servir le Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Permettez-la qu'elle vomisse, qu'elle sorte ces choses. Il y a un verre qui se trouve dans son bas. Mets juste la main là-bas. Au nom de Jésus de Nazareth, comment de quitter son ventre. On ne peut pas être en train d'enseigner. Sors. Sors d'elle. Sors d'elle. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Toi, puissance impure, je te commande de la quitter. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors d'elle. Elle ne vous servira plus. Allez, quitte son ventre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Suivez-la, qu'elle ne se fasse pas mal, Suivez-la. Maintiens juste la main maintenant. Ça va sortir. Seigneur Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Qu'elle vomisse toutes ces choses que cet esprit a mis dans son corps. Au nom de Jésus. Nom puissant du Seigneur Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Commandez. Non, la sœur Julie, il n'y a pas le temps pour le saut. Qu'elle vomisse là-bas, vous allez nettoyer. On n'a pas le temps pour ce soir-ci. Mets la main sur son ventre, que ça sorte. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Demandez à celle qui s'appelle Merveille, c'est Merveille de Chapter, d'ouvrir son micro. Entre temps, vous. Sors d'elle, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comment? Sors d'elle. Toi, puissance impure, sors de cette jeune fille. Toi également. Vomis-moi tout ce que tu as mis dans son ventre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vomis-moi tout ce que tu as mis dans son ventre. Toi, esprit méchant, vomis tout, tout, tout. Sors. Sors, sors, sors d'elle. Sors d'elle. Sors. Sors d'elle, sors d'elle. Sors. Sors, sors, sors d'elle, sors d'elle. Au nom de Jésus-Christ, vomis tout, tout. Toute puissance impure. Tout esprit impur entré dans votre vie par le biais des relations sexuelles. Je commande que ça vous lâche maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors, sors. Sors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors. La soeur Julie, lève-la, lève-la. Elle est libre. Lève-la. Toi, toi, toi, puissance des ténèbres sur cette jeune fille. Je te commande de la laisser. Lâche, lâche-la. Lâche-la. Lâche-la. Lâche-la. Lâche-la. Allez, allez, c'est parti. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Lâche-la. Lâche-la. Lâche-la. Toute puissance impure, tout esprit impur entre dans vos vies par le biais de le sexe. Sors. Sors. Sors. Au nom de Jésus Nazareth. Allez. Sors. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Quitte son corps. Quitte son corps. Quitte son corps. Quitte son corps. Quitte son corps. Quitte son corps. Quitte son corps. La sœur, je lui lève la sœur, elle s'assoit tranquillement dans un endroit qui est calme pour qu'elle puisse bien se reposer. Levez-la doucement, doucement. Toi, sors d'elle, sors d'elle, sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle. Au nom de Jésus de Nazareth. Sors d'elle. Où est celle qu'on appelle Victoire? Victoire, ici, il y a quelqu'un. Victoire, Victoire. Au nom de Jésus de Nazareth. Sors d'elle, sors d'elle, sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle. Au nom de Jésus de Nazareth. Sors d'elle, sors d'elle, sors d'elle, sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Je te commande de sortir d'elle. Sors d'elle. Au nom de Jésus de Nazareth. Mettez-la qu'elle puisse se reposer. Mettez la soeur là, qu'elle puisse se reposer. Couchez-la avec son dos. Qu'elle reste calme dans ce coin-là. Au nom de Jésus de Nazareth. Toi, puissant des ténèbres qui agit dans la vie de merveille, je te commande de quitter. Tu as assez duré dans sa vie. Ton œil a sonné. Le Saint-Esprit a déclaré aujourd'hui que vous devez quitter leur vie. Allez, pars maintenant. Pars maintenant. Pars maintenant. Pas maintenant. Allez, c'est parti. Pas maintenant. Pas maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors d'elle, sors d'elle, sors d'elle. Sors. Sors. Sors. Sors. Au nom de Jésus. Sors d'elle. Je te commande, au nom de Jésus, tu ne dois pas rester dans son corps. Je te commande au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Je te commande de sortir. Toute puissance des ténèbres, tout esprit impur, entré dans vos vies par le biais des relations sexuelles impures. Je commande qu'il sorte maintenant. Je commande qu'il sorte. Sors! Sors! Sors! Vomis tout, tout, tout! Sors! Au nom de Jésus! Au nom de Jésus! Sors. Le Seigneur veut que vous quittiez la vie. Elles doivent servir Dieu dans la sainteté. Je te commande de sortir maintenant. Tu ne dois plus tourmenter leurs rêves, ni tourmenter leurs songes, ni leur vie spirituelle. Tu ne dois pas bloquer. Le Saint-Esprit doit tabernacler en elles. Je te commande de les quitter. Sors. Sors. Vomis-moi tout puissant des ténèbres. Sors tous ces déchets. Au nom de Jésus, vous entendez bien cette voix. Sors. Tu as déclaré qu'elle ne devait pas se marier. Quelle est ta femme? Je te commande de la quitter. Elle ne t'appartient pas. Il dit tu ne dois plus habiter sa vie. Elle n'est pas ton épouse. Allez, quitte sa vie maintenant. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Sors d'elle. Sors d'elle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allez, c'est parti. Lâche-la. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lâche sa vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Elle ne vous appartient pas. Allez. Sors. Sors d'elle. Allez. Sors toute ta puissance, tous tes déchets. Sors tout. Toi, esprit impur, esprit de ténèbres. Sors, tu ne dois pas rester. Il te commande de sortir, même si tu es fâché. Je te commande de sortir. Sors. Toute puissance des ténèbres, tout esprit impur entrer dans vos vies par le biais des relations sexuelles incestueuses, que ce soit avec les animaux, que ce soit avec vos parents. Je commande que ça vous lâche maintenant. Vous allez servir le Seigneur comme le Seigneur le veut. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors d'elle, vieux esprit, je te commande de sortir. Sors. Je te commande de sortir. Même si tu es fâché, tu dois sortir. Tu la lâches. Tu perds ton autorité sur elle aujourd'hui. Je te commande de sortir. Lâche-la. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te commande de sortir. Je te commande de sortir. Toi qui es autour de ses reins. Toi qui repose autour de ses reins. Je te commande de la lâcher maintenant. Quitte ses reins. Quitte ses reins. Tu ne peux pas te cacher. Quitte ses reins. Vieux esprit. Tu n'as pas honte d'habiter dans une jeune fille comme ça. Elle ne vous appartient pas. Elle ne doit pas te marier. Et tu ne lui as pas. Ton alliance avec elle est brisée aujourd'hui. Ton alliance avec elle est brisée. Toi, tu appartiens aux ténèbres. Tu ne rentres plus dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça va. Ça va. Ne t'inquiète pas. Dans la chambre. Non, appelle pas s'il te plaît. Je ne veux pas l'appeler. Où elle est celle-là? Celle de Bougainville, elle en est de dormir toujours. Il y a quelqu'un ici. Oui. La sœur Alice, elle, celle qui a le bébé, elle est où? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute puissance des ténèbres, vous qui m'écoutez, vous qui entendez cette voix, toute puissance des ténèbres qui était entrée dans vos vies par des attouchements sexuels, que vous en soyez conscient ou pas, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, la sœur Paul met la main sur ton ventre tout simplement et tu restes tranquille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, écoute bien cette voix. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, écoute bien cette voix. C'est ton moment aussi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, allez, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est assez duré comme ça. L'heure de la sainteté, de la sanctification et de la glorification du nom de Jésus-Christ dans sa vie est arrivée. Alors je te commande, sors. C'est sa soirée également. Je te commande de la lâcher. Toi qui agissais dans la vie de ma soeur Paul, de notre bien-aimé soeur Paul, sors maintenant. Toi, esprit aux yeux rouges, je te vois et tu me vois. Je te commande de la lâcher. Quitte son corps maintenant. Quitte son corps maintenant. Quitte son corps. Quitte son corps, quitte son corps. Quitte son corps. Quitte son corps. Quitte son corps. Quitte son corps. Quitte son corps. Dites à ceux qui sont de se connecter de fermer le micro. Il faut que ces choses vous lâchent. Quitte son corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La sœur Julie, lève-toi. Tu vas travailler ce soir. Lève-toi. Celle qui est assise à la droite de la sœur Paul, là, qu'elle se recule un peu. Tu te tiens debout là-bas. Tu me l'arrêtes, il ne faut pas qu'elle se fasse mal. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, madame. Que Dieu te bénisse. Que Dieu se souvienne de toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soutiens-la bien. D'accord? Soutiens-la bien. Écoute cette voix. Je commande que toute puissance des ténèbres qui gouvernait quelque domaine que ce soit de ta vie, je commande maintenant que ça te lâche. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu entends cette voix. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La sœur Mévé prend un verre de ça, te fera du bien. Tu es libre au nom de Jésus. Du côté de Bougainville, je commande toute puissance des ténèbres. Toi, esprit aux yeux rouges, je te commande de quitter la vie de cette femme maintenant. Ton alliance avec elle également est brisée. Maintiens-la, ma soeur, que le Seigneur te bénisse. Si tu peux mettre la chaise à côté d'elle, tu t'assois pour être plus stable. Vraiment, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Maintiens-la juste comme ça. D'accord? Qu'est-ce que le Seigneur te fait aujourd'hui? Qu'est-ce que le Seigneur te fait aujourd'hui? Maintiens-la juste, jusqu'à ce que cette voix-ci parcourt tout ton être. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous entendez bien cette voix. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute puissance des ténèbres qui était entrée dans vos vies par le biais des relations sexuelles. Les esprits incubes et succubes. Tous ces esprits envoyés pour disloquer vos mariages, disloquer vos vies spirituelles. Le Seigneur décrète leur fin aujourd'hui. Je vous commande de lâcher la vie de ses enfants. Maintenant, quitte la vie de la sœur Paul. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il te commande de sortir. Sors d'elle. Sors d'elle, tu ne dois rien lui faire. Il dit, tu ne dois rien lui faire. Maintenant, passe ton moment. 1, 2, Allez, allez, ma soeur, fais, arrête là bien. D'accord? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il faut que ça va monter de ses pieds jusqu'à la terre. Ne t'inquiète pas, d'accord? On maintient là bien. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cet autre esprit a décrété dans sa vie qu'elle ne sera rien, qu'elle va seulement tourner en rond. Mais aujourd'hui, c'est sa fin. C'est ta fin. C'est ta fin. Ton décret, tu n'es pas Dieu dans sa vie. Son Dieu, c'est le Seigneur. Tu n'es pas Dieu dans sa vie. Je te commande de la quitter maintenant. Allez. Un. Pas maintenant. Tu la lâches maintenant. Tu la lâches. Vous qui êtes dans la salle, n'ayez pas peur de tout ce qu'elle a de faire, d'accord? N'ayez pas peur, c'est votre soeur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, écoute bien, c'est votre toi puissant des ténèbres. Écoute bien, tu pars maintenant. Allez, tu pars maintenant. Allez, 1, 2, 3, tu pars. Tu pars maintenant. Tu pars maintenant. Au nom de Jésus, allez, 1, 2, 3. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au sol. C'est parti, c'est parti. C'est parti, suivez-la. Au nom de Jésus Nazareth, au nom de Jésus Nazareth, au nom de Jésus Nazareth, au nom de Jésus Nazareth, au nom de Jésus Nazareth, maintenez-la qu'elle ne se fasse pas mal au sol. Au nom de Jésus Nazareth, au nom de Jésus Nazareth, ça va monter au fur et à mesure. Au nom de Jésus Nazareth, au sol, c'est parti. Au nom de Jésus Nazareth, maintenez-la. Au nom de Jésus Nazareth, au nom de Jésus Nazareth, maintenez-la vraiment parce que ça va être grave. Au nom de Jésus Nazareth, au nom de Jésus Nazareth, au nom de Jésus Nazareth, au nom de Jésus Nazareth. Allez, c'est parti. Ma soeur, fais attention, sinon vous allez tomber à deux. Au nom de Jésus Nazareth, au nom de Jésus Nazareth. Sors. Allez, sors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors d'elle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne peux pas résister. Et tu ne peux pas rester. Je te commande de la lâcher. Il n'y a pas de son chez la soeur, là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quitte son corps. Quitte son corps. Tu ne dois pas rester. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est terminé maintenant. Au nom de Jésus-Christ, tu pars. Sors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenez-la. Ne t'inquiète pas, ma soeur. Laisse le volume. Il n'y a pas de problème. L'essentiel, c'est qu'elle soit libre. Seigneur, merci pour ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu fais. Allez, c'est parti. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. C'est parti. Maintiens-la bien, ma soeur. Vraiment que le Seigneur te bénisse pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus de Nazareth. Où est la soeur Alida? Au nom de Jésus de Nazareth. J'espère qu'elle est connectée. Au nom de Jésus. Et la soeur Ophélie. J'espère qu'elle est connectée. Au nom de Jésus de Nazareth. Ces choses-ci. Au nom de Jésus de Nazareth. D'autres puissances des ténèbres qui manipulent vos vies étant entrées par le biais des rapports sexuels incestueux, par le rapport sexuel impur, quel que soit le nom qu'on peut lui donner. Je commande. Aujourd'hui, le Seigneur a dit que vous devez libérer les enfants du Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Lâche-la. Ma soeur, après celle-là, tu l'allonges seulement parce qu'elle est vraiment fatiguée là maintenant. D'accord? Cet esprit est vraiment fâché, vraiment violent. Si vous pouvez voir ces yeux-là. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Si elle pouvait casser ton ordinateur, elle devait casser parce qu'elle veut pas. Cette explosive, elle veut combattre avec moi. Allez, sors! Sors! Sors d'elle, sors d'elle. Sors d'elle. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ta fin. C'est ta fin. C'est ta fin. C'est terminé. Terminé. Terminé. Allez, pas maintenant. Au nom de Jésus-Christ. C'est terminé. Terminé. Terminé pour toi. Terminé. Terminé. Terminé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quitte son corps maintenant. Quitte son corps. Allez. Sors. Sors. Sors. Sors d'elle, sors d'elle, sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle. Tu quittes son corps. Tu quittes son corps. Je te commande au nom du Seigneur Jésus de partir maintenant. Je te commande de partir maintenant. Allez, allez. Il dit qu'elle ne se fasse pas mal à la soeur Julie. Elle s'est fait mal. Tu vas devoir préparer encore la biche maintenant pour les soeurs et tu vas les inviter. Allez, allez. Au nom de Jésus Christ de Nazareth. Au nom de Jésus Christ de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth, tu la lâches maintenant. Tu la lâches maintenant. Sans lui faire du mal. Je vous sépare maintenant de sa vie. Toute alliance avec elle est rompue aujourd'hui. Tout décret et tout arrêté que vous aviez fait contre elle, contre sa vie, qu'elle va tourner en rond jusqu'à rentrer au pays. Ça ne se passera pas comme vous avez décrété. Je commande que ça soit brisé maintenant. Rompu maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Skécia, après ça, je suis à toi. Donc prépare-toi maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Quelle soirée. Au nom de Jésus de Nazareth. Allez, au nom de Jésus de Nazareth. Toute puissance des ténèbres. Toute puissance des ténèbres. Entrez par le biais des rapports sexuels. Écoutez bien cette voix. Le Seigneur dit que votre temps a expiré, que vous quittez la vie. Écoutez bien cette voix. C'est terminé. Terminé. Maintiens la bête maintenant, ma soeur Julie. Maintiens. Allez. Allez, c'est parti. C'est parti. Maintiens-la, s'il te plaît. Maintiens-la. Parce que si cet esprit vous casser tout, n'importe quoi dans ta maison, casserez-la maintenant. Maintiens, maintiens, maintiens-la. Jusqu'à ce que ça quitte sur elle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, ça va être fort. Donc, fais attention maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Que ton nom seul soit glorifié. Merci pour ce que tu fais pour la vie de tes enfants. Merci pour ce que tu fais pour la vie de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci parce que tu sanctifies nos âmes. Il faut l'allonger tout simplement maintenant. Allonge-la maintenant tout simplement. Elle va savoir maintenant qu'elle a fait un sport de 45 km. La cause de 45 km sera ce que c'est que cet esprit-là qui habite les corps. Où est la sœur Natoucha? Se trouve ici? Non. La sœur Alida. La Alida, où elle est où, Alida? Alida, tu vas... Non, finissons ici avec la sœur... La sœur Kétia. La sœur Kétia. Oui, je suis là. Il faut qu'on en finisse avec ces esprits-là qui te dérangent, n'est-ce pas? Vois-tu, c'est pas normal. La Bible déclare que ce sont des rapports contre nature, d'accord? C'est pas de ta faute, c'est Satan qui l'a fait dès le départ. Voyant le brillant avenir que tu avais, il a emboîté le pas à la lumière pour pouvoir entrer dans ta vie afin de déchesser, dessécher ton chemin. D'accord. Mais aujourd'hui, on va en découdre avec cela, tu veux? D'accord. Ici, il est question de... Vous savez, les latrines de l'Afrique, les latrines de l'Afrique, lorsque on a déposé les déféquins un peu partout, pendant que la saison pluvieuse, vous voyez la boue, là où il y a les zones où le port est. La façon que le port partouche partout, là, quand vous regardez l'âme, quand ces choses sont présentes, c'est comme ça que l'âme est... Voilà. C'est comme ça que l'âme se trouve infestée. C'est vraiment sale. Mais c'est lorsque c'est purifié, ô combien, par le Saint-Esprit, et là, maintenant, vous savez que quelque chose est passé en vous. Donc, il faut qu'on en finisse avec ça maintenant. C'est que tiens, tu veux? Non. Il faut qu'on chasse cette présence-là, d'accord? Non. Elle n'est pas ta femme. Elle n'est pas ta femme. Kétia n'est pas ta femme. Tu ne dois plus tourmenter son âme. Son âme juste. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu entends cette voix. Toi, puissance des ténèbres qui enchaîne son âme depuis. Ta chaîne est brisée aujourd'hui. Allez. Tu la lâches maintenant. Elle en a assez de toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu libères les âmes de ses enfants maintenant. Je commande que ta chaîne soit brisée. Tu m'entends très bien. Sors d'elle. Sors d'elle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ta puissance que tu as positionnée dans ses yeux, dans ses lèvres et dans son bas-ventre, je commande que ça soit détruit maintenant. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne peux pas résister. Tu ne peux pas résister. Je te commande de quitter. Je te commande de quitter. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Son corps appartient au Seigneur. Elle a fait alliance avec le Seigneur. Je te commande de quitter. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pas maintenant. Au nom de Jésus, toi puissance impure, tu es un esprit impur, tu es des ténèbres. Tu es des ténèbres, tu quittes ce corps. Son corps appartient au Seigneur Jésus. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors. Sors. Sors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans tes yeux. Dans tes yeux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans tes yeux. Dans tes yeux. Je commande. Dans tes yeux. Que cette puissance soit brisée maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne dois plus y loger. Tu ne dois plus utiliser son corps pour ton jeu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ta fin dans sa vie. Au nom du Seigneur Jésus. Je te commande de quitter. Toi, puissance des ténèbres. Toi, puissance impure. Elle n'est pas ton épouse. Elle ne t'appartient pas. Tu es un corps étranger. Tu quittes son corps. Ta chaîne avec laquelle tu as enchaîné son âme pour la manipuler. C'est brisé aujourd'hui. Sors! Sors! sors d'elle. Sors d'elle, sors d'elle. Sors d'elle. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Sors d'elle, sors d'elle. Sors d'elle. Sors. Je t'ordonne de sortir d'elle maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu quittes son corps, tu libères son corps. Ta puissance n'exercera plus dans son corps. Tu n'as plus de droit de citer dans son corps. Je t'ordonne donc de quitter. Quitte son corps. Quitte son corps. Quitte son corps. Tu ne peux pas résister. Tu entends cette voix. Je te commande de quitter. Je te commande de quitter. Je te commande de quitter. Tu ne peux pas rester. Allez, c'est parti. Tu ne peux pas rester. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Tu ne dois pas rester dans son corps. Je te commande de partir. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Sors. Sors. Au nom de Jésus Nazareth. Sors maintenant. Au nom de Jésus Nazareth, sors d'elle, sors d'elle, sors d'elle. Sors d'elle. Je te commande de sortir. Toi, esprit noir et impur. Toi, esprit noir et impur. Même ta queue est coupée aujourd'hui. Je te commande de quitter. Tu ne touches plus à ses reins ni à aucun organe de son corps. Sors. Sors d'elle, sors d'elle. Sors d'elle. Au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que sa présence qui est dans ta chambre te nettoie, te sanctifie, te purifie. Oh mes soeurs, qu'est-ce que le Seigneur est en train de faire là maintenant au milieu de nous? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Qu'est-ce que le Seigneur est en train de faire? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Notre Dieu est bon. Il est bon pour tous ceux qui l'invoquent, pour tous ceux donc qui cherchent en lui leur refuge. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth, rappelez-vous que mercredi en soirée, je vais vous rencontrer encore ici, mercredi à soirée 22h, on va se connecter, on va continuer ici. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, toi puissance des ténèbres, puissance impure, qui a inondé l'âme de cette jeune fille pendant des années, le Seigneur te veut hors. Je te commande de quitter. Je te commande de quitter. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je crois que ce serait bien encore qu'on mette les pieds encore en Europe cette année-ci. Parce que là, c'est fort. Là, c'est fort. C'est terrible. Terrible. Terrible. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Regarde-moi la soeur Kétia, regarde-moi. Regarde-moi. La soeur Kétia, s'il y a quelqu'un ici qui doit savoir que le Seigneur l'aime, c'est vraiment toi. Pour tout ce qu'il en a de faire. Vois tous, d'accord? S'il y a quelqu'un qui sait que le Seigneur l'aime, c'est toi vraiment. Tu sais ce qu'il a de faire à l'intérieur de toi, n'est-ce pas? Et tu sais tout ce qu'il a de fait et qu'il a toujours fait. Oh, Seigneur, miséricorde. Je crois que nous devons aller encore en France et en Europe. Miséricorde, miséricorde, miséricorde. À ceux qui tiennent, cette présence qui est sur toi va demeurer pendant près d'une semaine, d'accord? Ne t'inquiète pas, d'accord? Est-ce que tu sais donc maintenant que le Seigneur t'aime véritablement? Est-ce que si tu dis que c'est à cause de toi qu'il a amené ces choses ici maintenant au milieu de nous, à cause de toi spécifiquement, tu peux croire cela? Tu vois, cette chose, quand ça t'arrive comme ça dans le passé, ça t'est arrivé à plusieurs reprises en croyant que tu n'es pas chrétien. Et c'est la pensée qu'elle va te donner là, qu'elle va te faire croire là-bas, que tu n'es pas un chrétien comme il se doit, tu n'es pas son enfant, tu n'es pas enfant de Dieu comme tu vois dans la Bible, tu ne peux pas être son enfant. Et cet esprit, si vous voulez te pousser à jeter l'éponge, à suivre Christ. Comment, ma soeur? Non, c'est vrai. J'ai toujours pensé que je n'étais pas une enfant de Dieu. J'ai toujours... Je cherchais... Même lorsque le Seigneur... J'ai cherché le Dieu. Il y a quelque chose qui me disait, non, tu vois ce que tu fais. Les pensées que tu as. Tu penses aux femmes. Tu fais ceci, tu fais cela. Tu n'es pas une enfant de Dieu. Et j'ai voulu chercher... J'ai cherché auprès des hommes. Je me disais, ah... Peut-être, je ne sais pas, que quelqu'un va avoir la révélation pour moi. Et puis, il y a aussi le fait que j'ai échoué un peu partout, au temps scolaire. Au niveau scolaire, ça n'allait pas trop. Du coup, je me disais, bon, voilà, je ne suis pas une enfant du Seigneur. Attends, je vais corriger cela. Remarque bien que le Saint-Esprit vient de dire que cet esprit te faisait penser. En réalité, tu pensais que c'est toi qui pensais, ce n'était pas toi. Celui qui pensait en toi et te mettait ses suggestions. Tu crois en réalité que quand tu restais, c'est toi qui pensais. C'est cet esprit qui parlait à l'intérieur de toi. D'accord? Et tu pensais que c'était toi qui pensais, cela, c'est pas toi. Ton vrai toi aime le Seigneur. C'est pour ça que ces petits grains de ton vrai toi, quand tu veux aller dans le monde, il t'attire par là. D'accord? Le Seigneur t'attire par là. Alors, je repose encore la question qu'il posait ce soir. Avec cette présence qui se trouve sur toi et dans ta chambre, est-ce que tu sais que le Seigneur, maintenant avec certitude, je sais pourquoi il en a dit que j'insiste là-dessus. Le Seigneur veut ce soir te rassurer que malgré vents et marées, il est avec toi. C'est pour cela. Oui. Je sais pas, il y avait une partie de moi qui me disait, moi, je sais que tu es... Bon, j'étais perturbée. À un moment, je me disais, mais regarde, quand tu pries, quand tu sens la présence de Dieu, tu sens que Dieu est là. Alors pourquoi tu doutes? Mais il y avait l'autre qui disait, non, tu n'es pas une enfant du Seigneur, regarde, tu n'arrives même pas à marcher correctement, tu es toujours en train de tomber dans les mauvaises choses, tu n'es pas une enfant du Seigneur. À chaque fois, je me disais ça, non, non, non, non. Et puis dernièrement, quand j'ai commencé le jeûne, j'étais dans une joie, une paix tellement immense, je n'ai jamais ressenti ça, c'est comme si je retrouvais, comment dire, un amour perdu, je ne sais pas. J'étais dans une joie, je ressentais comme si, je ne sais pas, on avait mis de l'amour dans mon cœur. J'étais en paix et j'étais tellement bien. Et puis, j'avais raconté ça aux frères et sœurs que dernièrement, j'avais dormi chez ma voisine. Lui, j'avais perdu mes clés et elle avait fait un songe. Je ne sais pas si c'est une vision ou un songe. Elle avait dit que, ah, je t'ai vu, tu étais là. C'est comme si tu sortais de ton corps. Tu avais une robe blanche avec des fleurs. J'ai dit, ah bon? Elle m'a dit oui. Et puis moi, je me suis dit, non, c'est pas possible. Vu tout ce qu'il y a dans mon cœur, je peux pas avoir une robe blanche. Elle m'a dit, si, je t'ai vu, tu dormais, tu étais couché et tu avais C'est comme si tu étais sorti de ton corps, c'est comme si c'était ton esprit qui était sorti. Je t'ai vu, tu avais une robe blanche avec tes fleurs. J'ai dit, wow, comment ça, une robe blanche? Et je me disais toujours, non, c'est pas possible. À chaque fois, je retombe, à chaque fois, je vais dans le monde. Après, je retourne, j'arrive pas. Je tourne en rond, j'arrive pas. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je dis, mais Seigneur, je n'arrive pas. Je veux te servir, je veux vraiment vivre dans la sanctification. Mais je tourne toujours à chaque fois. Et quand je tourne, je me sens tellement... C'est comme si j'étais en deuil. Et voici ta soirée. Voici ta soirée, donc, d'accord. C'est à cause de toi que le thème que je voulais travailler, on n'a pas pu travailler parce que ça allait dans ta direction. Et le Seigneur insiste du fait que tu dois comprendre qu'il t'aime, que son amour pour toi n'a jamais changé. D'accord? Parce que les actions que tu commettais, c'est cet esprit qui commettait cela. D'accord, ma chère? Alors maintenant, tu vas marcher d'une certaine façon maintenant, que tu le veuilles ou pas. Que tu le veuilles ou pas maintenant. Cette chaîne est brisée. Maintenant, tu peux le servir maintenant comme il se doit. Tu vas sentir la liberté comme si tu devais courir tout Paris là maintenant. Oui. La femme dans la sainteté. On va se voir encore mercredi. Je vous donne rendez-vous mercredi à 22h. Plaise au Seigneur. 22h, ça vous arrange? Spécialement, de façon spécifique, mercredi. Mais il y a des gens ici à qui voulaient parler. Ça fait plus de 2 heures que nous sommes ensemble là. Waouh, il y a des gens ici. Des gens ici. Alors, que le Seigneur vous bénisse. La femme de la sainteté, bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. D'accord. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée à vous, ma soeur. Pendant que ta grâce nous accueille devant ton trône béni, nous te prions, tendre Père, de pardonner nos fautes et de laver nos cœurs de toute impureté. Entends les cris de mon cœur qui implore ta bienveillance. Fais tomber mes offenses, fais lire sur moi ta face. De mes lèvres impures renvoie. Oh oui, j'ai péché contre ta loi. Et mes crimes ne font éternels. Tu peux les effacer, Seigneur. Purifie mon cœur. Sanctifie ma vie. Ô Saint d'Israël, je te le prie. Purifie mon cœur.